est née des pays au nord du soleil, égarée en nos hivers dorés. Dans tes festons nubiles, montre à l'aurore tes subtiles géométries glaciales, fugitives septentrionales, les médianes de tes arcs-en-ciel. Sœur ronde qui balance douloureuse, articule ta soie véronaise, infiltre dans nos sangs, matrice, madrasse houleuse, de hanches et de dos, frangine antillaise, la magie des nuits sans rhum. Jumelle brune, cuite petit pain, aussi légère que tes seins, tu te tais et tu m'écoutes, et tu t'endors, friand de sans doute, de mes rires étonnés, que je trotte sur ce papier, des fruits passions écrits, ou bien désirs. Cadette grande, dernière claire, tragique noctuelle blanche, qui implore des lunes anges, et fais tes premiers vers pendant que je tâtonne et flanche à la recherche du monde et d'un hiver qui danse